ça a bras à faire, là. C'est fini de niaiser, là. Ouais, un petit teaser là, de 25 ouais. minutes, là. Parce ouais. que t'es pour rire, ça, là. Ben, hein? Prochainement, on a un DLC qui s'en vient. Qui s'appelle, ça s'appelle un teaser plus long. Fait qu'autrement dit, tu payes 25$ pour avoir le reste du podcast. Eh oui, on a commandité par EA. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça de l'argent, ouais. Non, non, non, là, vraiment, on niaise pas, là. C'est, ouais. c'est the real thing. On yes. est au premier épisode, écoute, de Geeko Arena qui commence. Dans le fond, pour ceux qui viennent de se connecter à nous autres, c'est la première fois qu'ils écoutent ça, ils ont peut-être pas nécessairement écouté le teaser. Juste une petite brève explication. Nous autres, autrement dit, on est deux vraiment gros tripeux de musique de jeux vidéo depuis qu'on est tout jeune. Puis, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était... pas nécessairement faire un podcast avec des covers ou quoi que ce soit, mais vraiment mettre de quoi d'original qu'on tripait. Non, on va peut-être en mettre des covers aussi, pas tout dépendant des chansons. Puis c'est ça, tu sais, fait que je veux dire, mais vraiment y aller avec de quoi d'original, puis tu sais, en parlant des musiques. Éventuellement, c'est ça, comme Dom dit, ben c'est ça. Écoute, on va en rajouter des covers. Parce qu'on s'entend que toi, tu prends Castlevania, il y a. Tel tune, mais parce qu'on sait pas que cette année ils ont fait beaucoup de remakes. Ouais, c'est ça. Après chaque opus. Faut vraiment y aller avec la différence parce que, ouais. comme dans Castlevania, Harmony of Despair, je pense, c'est vraiment le meilleur exemple ouais. de cover remix. Ouais, c'est parce ça. Parce que vraiment, ils ont pris les bases, la musique qui est de la base, puis l'ont fait. Mais c'est tellement savoureux, ouais. ça rentre au poste. Harmony of Despair, ça a vraiment été une. Gros rock, là. Ah, plus et dur. Écoute, vraiment très bon. Écoute, s'il y a des moments longs dans le jeu, la musique rendait le tout ouais. carrément incroyable. Ouais, tu voulais recommencer juste pour la musique. Ouais, c'est ça. C'était vraiment bon. Ce qui était cool aussi, c'est que tu pouvais changer la musique des tableaux toi-même. Ouais. Si tu fais. Hey, moi, j'aime, mettons, Bloody Tears. Qui est une toune vraiment très très très entraînante, ben tu pouvais la mettre à ton tableau que tu voulais. Même pour le boss, tu peux changer la toune aussi. C'est ça. C'est parce que moi pis Dom, vous le savez peut-être pas, mais dans ce jeu-là, on a farmé, on montait de niveau notre personnage, mais pas en même temps. On se battait contre un boss, puis on faisait tout le temps le même boss. Ouais. Au niveau de difficulté, vraiment très élevé. Puis après ça, tu sais, à un moment donné, la musique, ça vient que c'est très, très, très n'importe quoi. Fait que nous autres, on se parle. Ouais, c'est ça. Mais. parce que dans un jeu, si tu joues normalement, c'est quasi impossible. En tout cas, c'est vraiment extrêmement long de monter tes armes, de farmer tes armes. Vraiment, tu sais. Fait que la musique, définitivement, ça la pardonnait. Ouais. Fait que. Ensuite, ben, c'est ça. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, autrement dit, pour expliquer un peu le concept. Brièvement. On va avoir deux blocs aujourd'hui. On a deux blocs qu'on vous a choisis. On va parler, dans le fond, on va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. On va tout vous dire le nom des chansons puis tout ça. Ensuite, on passe au deuxième bloc. Ensuite, fin et la petite musique d'intro. Pis c'est comme ça qu'on va ouais. fonctionner, du moins pour le. Ouais, le... En tout cas, pour cette saison-là. Ouais, pour les épisodes qui arrivent. Changer. Ouais, si on voit qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux que d'autres, ouais. On checkera au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je pense qu'on s'est d'un commun accord dit, regarde, on va y aller comme ça, c'est parfait. Mm. Ok, fait que, hey, tu veux-tu commencer par me présenter notre première toune ouais, qui on va y aller, me fait dresser le poil sur le chess. Chess. Hop, un petit... Ouais, j'ai comme baisé sur le piton de la souris mon nom. Lâche pas, Job, lâche pas. Fait que... Donc, c'est cela. Le premier bloc, on a Hard Cops Uprising, le thème. Le thème original. Le thème original, ouais. Que tout le monde connaît. C'est spécial parce que pour avoir cette musique-là, il faut faire to up, to down, left, right, cercle, X dans le menu de loading de Hard Cops Uprising. Après ça, on a Save Them de Final Fantasy VI. Ah oui, oui, vraiment. Je me souviens plus du contexte de ce tome-là, par exemple. En tout cas, il me semble que moi non plus, mais je pense que c'est pendant une situation où tu te sauves, là. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que... Je pense que t'es en bataille déjà, mais finalement... T'es dans l'Empire, puis là, maintenant, il arrive de quoi, puis là, faut que tu t'échappes, puis là, il y a ce tome-là qui... C'est vraiment orchestral à soi, c'est vraiment excellent. Après ça, on a le fameux Streets of Desolation de Batman oui. Je me souviens, toi dernièrement, tu t'es regrayé un petit peu dans le rétro, puis ouais. C'est comme là, dans les premiers jeux que tu as joué, puis cette tune-là m'a marqué, mais pas nécessairement parce que c'est le premier jeu vraiment de Batman au Nintendo ordinaire, basé sur le film de Tim Burton, mais qui n'a absolument rien à voir. Ouais. Puis c'est tellement énergique, c'est tellement. Ben, tu commences le jeu, puis si c'est tout le qui arrive, le premier tableau, là, de ça. Puis ça t'emporte, puis c'est comme, c'est super catchy, la mélodie est de cœurante, puis j'ai. Tu sais, c'est. Ça fait comme dire, hey, on t'a envoyé une bonne toune, mais tu vas te faire sacrer une volée pour le reste du jeu, par exemple. Ouais. Genre, tu sais. Après ça, on a Abobo de Battle Toad dans le Double Dragon. Mon personal favorite, c'est que la base, tout est écœurant. Encore une fois, la toune du premier tableau, vraiment bonne. C'est tout le temps les premiers stages qui sont les meilleurs. Tu as remarqué, hein? Contra, Battle Toad, Batman. Double Dragon. Ouais, Double Dragon. En particulier, là, il y en a beaucoup qui sont mémorables. Ah, vraiment, vraiment. Le jeu est dur en sacrant. Oh oui, moi, le plus loin que je me suis rendu, je pense, c'est le tableau, le cinquième c'était tableau. C'était pas dans l'espace, me semble. Ouais, contre Robo Magnus. On avait-tu joué ensemble? Je pense que oui. Hein. Oui, mais on meurt tout le temps. Tu sais, quand t'es rendu dans l'espèce de sur-le-missile. Ouais, c'est rendu là, c'est pas faisable, on sent même pas au boss. Tu veux mourir, c'est pas compliqué. Après ça, on a, ben, bien sûr, Blaster Master. Ah, oui. Stage 1. Quelle musique! Moi, j'ai jamais joué à Blaster Master, personnellement. Je sais que ça incarne une espèce de tank, là. Ouais, ben, là, faut que tu joues tout le monde. D'après ce que je vois, t'as trois types de gameplay. C'est que t'as vraiment avec le tank, l'espèce de platformer, puis un jeu à la. Je sais pas si t'as joué à Faster Quest, qui était au NES, là. Non. C'est vraiment un jeu pas tant bon. Mais c'était ce style-là. Pour ceux qui connaissent ça, en tout cas, c'est. Tu te promènes sur une map avec un gun, tu sais. Fait que. Okay. Mais non, vraiment épique. Soundsoft. Yes. C'est du bon stuff. Ouais, ça, on a Sweet Home de Breath of Fire. Ah oui, ah définitivement. Oui. Ça, c'est le genre de tune que je parlais de m'endormir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. On y va par bloc de. Tu sais, tune qui rentre, tune smooth, tune qui rentre. C'est ça, on dit. On veut pas toujours que ça soit du bang bang tout le temps. Ça varie un peu. Exact. T'as une tune qui craigne, après ça, ça. Fait faut vraiment que ça rentre. Mais en même temps, moi, ce que j'aime de ce tune-là, c'est que c'est dans les. C'est même pas la première tune que j'ai entendue de Breath of Fire, mais c'est plus dans le 2, mais celle-là est vraiment. C'est mémorable. Après ça, après c'est qu'on a après ça. On a Dream of the Shore de Chrono Cross. C'est tellement bon. Bah, moi j'ai pas joué non plus à Chrono Cross, mais. Je sais que, en tout cas, la plupart de toutes les chansons là, de ce jeu-là là, sont. C'est très cop. La plupart. Il y en a pas une que j'aime pas. La plupart sont mémorables, mais je te dirais qu'ils sont pas aussi mémorables que dans Chrono Trigger. Mais reste que la soundtrack a vraiment. On s'entend que c'est pas le même style d'instrument. C'est beaucoup orchestral dans Chrono Cross. Ouais, c'est très profond aussi. Mais vraiment, ça te proche vraiment dans l'ambiance. Là. C'est que. Yes. Après ça, on a Double Dragon 2, Final Boss. J'avais jamais entendu ça, moi, tu ris, là. Mais Double Dragon 2, là, j'ai joué à la version Mega Drive du premier, je pense. Mais quand j'ai écouté cette tune-là, tu sais, nous autres, on l'a écouté avant le show, puis toi, t'étais là, oh, yeah, moi, j'étais comme, ok. Ben, tu sais, elle que. Pas plus que ça. La seule que je me rappelle de Double Dragon, c'était à dire. Oui, c'est dans le premier, je pense. Moi, c'est elle qui m'a marqué le plus, mais le reste, je connaissais pas, d'ailleurs, c'est toutes des découvertes, puis. Shit nice. Que c'est épique là. Ah, oui. Shit que c'est épique. J'adore ça tout là. Après ça, on a Evo Search for Eden. Mais quel jeu ça, hein? Evo, Evo, ouais. Ben j'aimerais ça me le procurer, mais il vaut un peu de fou. Je pense sur eBay, c'est quoi? C'est pas loin de 500, ça a juste pas de bon sens. Ben non pas à ce point-là. Ben, peut-être avec la boîte, puis le livret tout inclus. Mais juste le jeu, c'est 20 centaines de pièces certaines. Ah non, c'est vraiment cher. Ça vaut très cher. Je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment un bon platformer. Très, très, très débile. Puis toutes les tunes sont légendaires là-dedans. Il n'y en a pas une qui te met pas dans l'ambiance de cette époque-là, dans l'époque que t'es. Ben, c'est de la symphonie. C'est merveilleux. Fait que, go! retour pour ce deuxième bloc à Geekorama, ce podcast légendaire qui met en hommage ta musique de jeu vidéo préférée. Yes! Oui! Oh oui! Fait que, hey non, c'était très bon comme bloc 1, honnêtement. Ouais, hein? C'est très délicieux. Mais écoute, parce que vous n'avez pas encore écouté le bloc 2, là, t'en as un peu. Encore bien, conclusion. Débile, chose comme ça. Fait que Earthbound avec Battle of Final Destiny, un jeu encore qui coûte, coûte une fortune. Ça, je pense que dans l'univers rétro, c'est pas mal le plus populaire qui est rare. Ben, il est comme il vaut même une centaine de pièces aussi. Oh, puis peut-être non, peut-être même plus. Mort plus que ça. Earthbound, ouais, honnêtement, que ça va jusqu'à 200. Puis je pense que vraiment original dans sa boîte, là, ben il vaut vraiment plus cher. Ben, je n'ai jamais réussi à le trouver. Personnellement, j'ai déjà cherché sur eBay puis même sur Google, j'ai jamais réussi à trouver, à moins que vu que je sais pas à quoi il ressemble, tu sais. J'ai pas trouvé, mais j'ai jamais vu avec la boîte là, avec tout le paquet au complet. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que ça vaut. Ah, c'est pour les collectionneurs, du monde qui trouve ça dans un marché aux puces à 10$, là, vous tombez là-dessus. Ouais, là, mais je sais pas si ça va, ça. Si ça vous arrive, ben. Ah, tombez là-dessus. Ouais. Parlant de la musique, ben c'est tout simplement épique. C'est vraiment gros. C'est-tu la tune thème du boss de fin ou c'est vraiment? Oui. Ok, c'est pour ça que c'est ok. C'est vraiment épique, là. On est dans la tune, elle a vraiment une tournure différente vers le milieu, là. Vraiment de beat. Ah, c'est carrément débile. Mais j'ai pas eu vraiment l'occasion d'y jouer beaucoup. Moi non plus. Je sais que c'est un jeu de rôle, mais ouais, c'est ça, original, tu sais. Mm. On a cette juste une maudite maladie là que les émulateurs ont dit que je suis plus capable, faut que j'aille original. Ouais. Maudite maladie, ça coûte cher les maladies de main. Et après ça, on a Final Fantasy VI avec la tune thème de Cyan. Cette tune-là me fait penser, c'est oriental un peu, tu sais, là, c'est... Ben, je trouve que moi, dans ce jeu-là, ça... Toutes les chansons fit vraiment avec le jeu, là. Carrément. Parce qu'on est vraiment dans une ambiance un peu steampunk-esque, là, si tu me permets. Puis tu sais, c'est des machines, des robots, la magie. Puis quand Cyan arrive en bout de compte, parce qu'on sentait Cyan dans le jeu, puis là, ben, je dis pas je ne gâche pas de punch. Sa femme et son enfant, ben, il arrive à un accident. Fait que je pense que ça reflète vraiment bien l'ambiance et les émotions qui va être véhiculées là-dedans. C'est vraiment profond, je trouve. Mmh, puis c'est ça, puis la statue-là, justement, elle joue quand tu combats. La première fois quand tu contrôles Cyan. Quand tu contrôles la première fois, c'est là que la tune arrive, t'es tout seul dans le château, tu te promènes. Tu te bats contre quelqu'un, je me souviens plus par exemple, ça fait longtemps. Ah, ça fait un bout, mais même après le jeu, finalement, quand arrive l'apocalypse, là, tu sais, après que Kefka ait détruit le monde, tu peux retourner dans ce château-là, puis t'as des flashbacks justement avec ta famille. Avec un fantôme. Là, ouais, pense, c'est ça. Ouais, lui c'est dort vrai. Finalement, il se couche dans un lit, puis il revit ses mémoires de passé avec. Puis tu sais, même là-dedans, la musique est différente, mais tellement mémorable. Ouais. C'est délicieux, on aime ça. Après ça, Battle 1. La tune de bataille numéro 1 de Lufia 2, un jeu que j'ai pas eu la chance de jouer non plus. Moi non plus. Comme vous savez, Geekorama, on est de même, on vous envoie du stock qu'on n'a pas joué, mais qui sonne le call-in. Ouais, non, définitivement, ça réveille son homme. Mais des fois, il y a tellement des chansons qui. Des fois, comment je pourrais dire ça? Qui sont pas de le temps. Tu te dis, mais voyons, ça peut pas jouer ça, mettons sur une NES, mais sur une Super NES. Ça, non, puis. C'est tellement. C'est vraiment au-delà de son temps. Là, c'est ça, exactement. Moi, je trouve que bien souvent, c'est des créations artistiques merveilleuses au niveau musical. Puis, tu sais, il y avait des gros. Moi, je trouve que les RPG, dans le temps, il y avait des compétiteurs là, féroces. On sent que Final Fantasy était à son paroxysme. Il était vraiment dans le. Pas le top de sa carrière, mais pas loin. Après ça, t'avais Chrono Trigger qui avait levé en sifflet. Peut-être qu'ils sont pas vraiment sortis en même date, mais je veux dire, tu sais, dans le temps, les RPG, là, ben non, c'est vraiment de. Les RPG, il y avait. Lesquels aussi, Breath of Fire. Ah oui, Breath of Fire. Il y en avait tellement des bons. Tu sais, c'était vraiment, vraiment ce qu'il y avait de meilleur. Puis là-dedans, t'en avais quand même qui venait se démarquer. Puis je trouve que là, vois-tu, dans mes découvertes, c'est vraiment excellent. Ensuite, on a Brainstar 2 de Super Metroid. Ça, je pense que. Pas besoin d'en rajouter plus que ça, c'est épique. C'est pas le genre de musique que tu vas écouter d'un party, mais tu sais, c'est ambiantique. Beaucoup, d'ambiance, Beaucoup, on vient beaucoup chercher le sens de la recherche parce que c'est pas une tune que tu vas te concentrer pour écouter. C'est vraiment plus, ça défile bien. Là, c'est, on se promène, on est vraiment dans des grottes. c'est tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus Metroid-ish, finalement. Mm. Donc, c'est très bon, c'est excellent. Maintenant, on y va dans quoi de plus, peut-être un petit peu plus punché, Super Punch Out, la chanson d'entraînement, et que, comme j'aime l'adorer, Nigga Stole My Bike. Moi, j'ai Nigga Stole My Bike, Nigga Stole. En fait, c'est parce que on n'est pas raciste, c'est vraiment pas ça. Okay, c'est parce que dans la scène, t'as comme l'entraîneur qui, lui, est en vélo et t'as le gars en arrière qui court après en kit rose. Ouais, qui, très viril. Ouais. Qui, vraiment pas, c'est un boxeur. Ah oui. Puis il court après. Donc, les internets étant les internets, ça s'en est devenu « Nigga stole my bike mm. ». Mais il reste que c'est un classique. Je pense que dans oui. Punch-Out, tout le monde connaît ce tune-là, sinon à peu près. Puis c'est catchy. Tout le monde ouais, s'en souvient assez facilement. Là. C'est rare que quelqu'un qui joue à Punch-Out s'en souvient pas. Surtout quand c'est l'entraînement comme ça. Mm. C'est vraiment épique. Yes. Ouais. Oh, tout de suite, que de ça, il y a Life in the Minds. Donc, quelqu'un quand je suis un petit fait intéressant, mais qui. En tout cas, moi qui Dom, on est deux musiciens. Puis on a déjà fait cette tune-là en cover avec yes. un de nos bons chums qui lui était à la batterie. Dans le temps, il y avait un drum électronique, fait que ça sonnait vraiment bien, ambiantique. C'est vraiment écœurant. Moi, j'adore ce tune-là de un parce que ça fait, tu sais, le nom le dit, la vie dans les mines. Tu sais, t'es dans une mine, puis on dirait pas que, je sais pas, c'est, ils te font oublier que t'es en danger, qu'il y a des rats partout, qu'il ouais. y a des crocodiles. Fait vraiment l'ambiance est encore c'est, une fois très présente. C'est vraiment comme rassurant, mais en même temps, t'es pas nécessairement en sécurité. Non. T'sais. Mais tu sais. Ah, c'est là que tu vois le travail de David Wise, d'ailleurs, t'es un génie. Ah oui, mais David Wise, là, je regrette tellement maintenant, il n'est plus avec Nintendo. Je trouve qu'il aurait dû rester avec Nintendo, aurait dû peut-être le forcer un peu, le ramener pour des projets comme dans Kingdom Country, oui. Mais malheureusement, M. David Wise, ben malheureusement, je dis ça, il travaille maintenant pour une compagnie indépendante qui font un jeu d'iPad. Puis là, il va faire la musique pour lui. J'ai lu ça dans une interview peut-être de 2011-2012. Ouais, c'est ça, je trouve. Puis en même temps, c'est sûr que je vais regarder son travail à ce niveau-là, mais c'est ouais, vraiment très surpris. Indépendant. Parce que le site de la compagnie est très, très, très peu connu. Il n'y a vraiment aucun vidéo de gameplay. Il n'y a absolument rien. J'ai fait le tour. Il n'y a aucune musique que tu peux entendre. Fait que c'est vide, là. Fait que Monsieur Wise... Calvasse. Mais il est rendu avec un studio indépendant, ben, t'sais, puis il fait son stuff chez eux, puis tout ça, t'sais, le gars, il a quand même, il a eu son âge assez épique dans le temps de Donkey Kong, ah, t'sais, on s'en souvient. L'âge d'or. Battle de... Toad, tout le kit. Bon, moi, je suis confiant qu'ils vont faire encore du bon stock. Bah oui, c'est ça. T'sais, ils virent pas nécessairement, ben, ils peuvent pas tout le temps faire rien du bon stock. Regarde, petite parenthèse, Nobuo Uematsu, t'sais, le gars qui a fait les chansons de finale, oui, il a fait du bon stock, mais c'est jamais comme avant. Ouais, c'est les symphonies maintenant. Puis tu sais, je veux dire, la musique, c'est pas nécessairement comme le gameplay des jeux vidéo. T'sais. Oui, ça l'évolue, mais je trouve que ça l'évolue d'une autre manière. C'est que là, maintenant, tu ne passes plus à... T'sais, tu vas passer de bruit digitalisé à orchestre symphonique. Et là, de orchestre symphonique, là, ouais, qu'est-ce que tu veux faire de plus? De ça. Ouais. Puis des fois, tu vas ajouter un peu t'sais, bon, de bruit technologique. Là, t'sais, bon, peut-être des petits beats, mais... Comme Lord of Shadows et Castlevania, ça c'est... Ouais, ben oui, c'est ça. Un des rares Castlevania que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des références, des anciens thèmes. Ouais, à part classiques. Une grosse référence dans Lord of Shadows, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas joué, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Another Winter de Scott Pilgrim vs. The World, une soundtrack qui vaut vraiment la peine. Ça au complet, là, définitivement, ça vaut vraiment la peine, j'adore ça. C'est énergique, là. C'est un beat de mort, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Maudit qui est pas facile. Ben, moi, je l'ai juste vu chez un autre chum qui jouait. Puis ça a vraiment l'air le fun. C'est vraiment cool. Bel hommage, encore là, à nos anciens amours de 8 bits et de 16 bits. Mais c'est très dur, mais la soundtrack est vraiment excellente. Ouais. Je sais que c'est un groupe qui fait ça. Ben, puis, je me souviens plus du nom, c'est de valeur maudite. Je sais qu'il y a un film aussi. Est-ce que le film est basé sur le jeu? Ben, c'est le contraire. Ben, ça c'est, pas c'est vraiment... Ben, en fait, c'est parce qu'il y a un film du même nom qui est sorti. Ouais. Et Ubisoft, finalement, ont fait le jeu. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est basé sur le film. Puis, ils ont fait un jeu comme ça. Mais c'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas tant rapport Ben, je l'ai pas fait au complet, fait que je sais pas, mais tu sais, c'est pas exactement les mêmes scènes. Ok, t'sais. Ok. Mais bon, t'as sept ex-petits copains à battre et tout ça, mais vraiment la musique était à l'honneur Ouais. de justement du 8 bits puis tout ça, pis c'est très rythmé. T'sais. Ouais, c'est vraiment rétro, pis. On aime ça. On aime ça. On aime ça. Star of Darkness, Secret of Mana 1, c'est. Ça, on est plus qu'ambiantique. S'il aurait pu faire une orchestre symphonique dans ce temps-là, ouais. Il aurait réussi un chef-d'œuvre. C'est magnifique. Vraiment, là, on adore ça. Ah c'est oui. Très bon. Là, je me demande s'il y en a des orchestres de symphoniques de ces jeux-là. Je sais pas si. Je sais pas, hein. De Secret of Mana, c'est. Je te dirais que la série, en plus, depuis un bout de temps, bas de l'aile un peu. Il n'y a pas vraiment des bons jeux qui ont sorti. T'sais, ils en ont sorti au PS2. Puis le monde. Peut-être qu'au Japon, ça doit pogner super gros. Ouais, mais... parce qu'il y a beaucoup de jeux japonais qu'on n'a pas ici, malheureusement. Ouais. Comme Seiken Densetsu 3. Qui est Secret of Mana 2. Et ouais. Demande-moi donc si je suis en calice parce qu'il n'est pas ici. Et ouais. Oui, j'ai utilisé un calice parce que ça vaut vraiment la peine de sacrer parce que les Japonais ne l'ont pas amené. Ouais. Puis, dans le fond, ça fait chier. Ouais. Je sais qu'il y a eu plusieurs raisons. C'est sûr que le jeu n'est pas parfait. Il y a des bugs. Il y a des lags, il y a des places. Ouais, bon. C'est pas Cheetahman 2. C'est ça. Cheetahman 2 qui est considéré un des pires jeux du NES. Ouais. Ah non, c'est loin d'être ça. La musique. Tout dans ce jeu-là, on va vous en amener un moment donné, la musique de Secret of Mana 2, c'est sûr. Ouais. Oh, oui, on a... Et certain. Mais faut que vous jouiez à ça. Du moins, le 1, j'ai moins joué. Reste que la musique n'est pas moins mémorable, mais Seiken Densetsu 3, c'est. Calé. C'est épique. Oui. On dira pas qu'on. Nous autres, on a crossé le système un peu, mais. Ouais, c'est assez ingénieux, mais, notre. Mais c'est pas un jeu qui vaut cher en tant que tel. Tu peux le trouver en japonais sur eBay. Ouais. Là, il vaut peut-être 40$. Ouais. 40, avec la boîte. Ouais. Puis, le pire, c'est que tout a réussi à. Ben, en fait, vous pouvez tout faire marcher pour. Tu pour ceux qui sont vraiment rétro, je parle. Vous pouvez faire marcher vos jeux de japonais sur. Une copie d'une console américaine. Mais il suffit juste de prendre le panneau, tu sais, de faire flipper le petit panneau, puis il y a deux pins de plastique qui sont à l'intérieur. Vite de même, vous êtes peut-être mieux d'aller sur YouTube. Là. Peut-être qu'on vous enverra un lien aussi sur YouTube. Parce ouais, que c'est ça, c'est vraiment ça. Mais c'est... Ça a l'air barbare dans un sens, parce que moi j'étais là, puis j'étais avec la pince, mais voyons, okay, on peut se scraper ma Super NES, mais non, j'étais vraiment surpris, c'est juste deux petites pins qui bloquent l'accès au cassette. Aux consoles japonaises. Ouais, c'est ça, c'est vraiment simple. Ouais, quand t'enlèves ça, ça rentre puis ça joue. C'est comme ça. Si t'avais un Super Famicom. Comme si t'avais un Super Famicom. Puis ouais. D'ailleurs, on l'a essayé avec d'autres jeux que t'as acheté de Super Nintendo. Un autre qui est vraiment épique, là. Une espèce de ninja super rapide. Ouais. I gained the first conflict, mais the final conflict. C'est tellement malade, mais tellement passé à côté de tout le monde. J'ai jamais sorti ici. Ouais, ben c'était un blockbuster, je pense qu'il y avait. Oui, c'est vrai, il avait sorti sur Blockbuster. Oui, non, il avait sorti en Amérique du Nord, mais. Je l'ai acheté, moi, japonais, je pense que ça a coûté 40$, mais. En version US, ouais. Ça coûte de 200. Ouais, c'est très, très dispendieux. Ouais. Ensuite. Open Your Heart de Sonic Adventure. Wow, ok, la git, t'en veux-tu le gars? Ouais, t'en ouais. No, t'en no. Regarde, je serais même pas capable de le faire rien que pour le fun, mais c'est fou comment que ces jeux-là, je les ai pas joués. Puis que, moi, mes Sonic préférés, c'est en 2D, ok, mais les 3D de même, là, c'est vraiment excellent. Puis on penserait pas que c'était épique, mais il y a plein de mes chums qui me disent, d'où les Sonic, c'était. 3D sont bons pareil, la musique est malade, mais là je les crois. Vraiment. Moi dans le 3D, j'ai pas joué à Sonic Generation encore, mais à date mon top c'est Sonic Adventure 2 Battle qu'il y a sur GameCube, puis je pense qu'il l'a sur Dreamcast. Oui, il l'avait sur Dreamcast. Il a sorti sur Dreamcast en premier, je pense, et ensuite ils l'ont fait sur GameCube. Sinon dans le 2D, il y a toujours les Sonic qu'on connaît tous, Sonic Adventure 1. Ouais, c'est ça. Deux Sonic 3. Les classiques. Ouais, mais quand on veut vraiment dans les 3D, j'avoue que de Sonic Generation, c'en est un bon. Je l'ai. Et waouh, c'est vraiment. Ouais. Il est plaisant, là. Il est vraiment le fun. Ouais. C'est très plaisant. Yes. Sword and Sorceries, je vais faire un big shout out à mon boy Sébastien. Dark Flute. Qui a fait la critique sur mon show. Puis ouais, Dark Flute. Écoute, Seb, je sais pas pour le gameplay, mais la musique de jeu, là, je m'excuse, mais c'est excellent. Ouais. Vraiment, là. Bel hommage encore une fois au 8-bit. C'est très, très, très ambiantique. Puis je trouve que les développeurs d'aujourd'hui ont vraiment des bons outils et les mêmes technologies pour faire la musique de même, tu sais. J'aime ça, moi, quand ils reprennent, justement, qu'ils font des tunes rétro comme ça, tu sais. Des jeux récents, mais ils prennent un style rétro, puis moi, j'adore ça. Non, vraiment. Ils ont plus d'outils que dans le temps, fait que là, ils... Ah, c'est ça, ils sont capables d'encore plus d'extrapoler, puis vraiment plus de rajouter des sons qu'ils pouvaient pas mettre dans le temps parce qu'il n'y avait pas la technologie, puis il n'y avait pas la patience, ou je sais pas, whatever. Mais bref, tout ça dans vos oreilles, dans Dretla! We'll be right back. Mot de la fin. C'est quoi, yes. C'est quoi ce mot de la fin? C'est ça. Tu sais que c'est fini? Un mot qui est à la fin. C'est parfait, ça. Eh hey, ben, c'est fini. Ouais, ben, moi, je vais te dire, j'aime la façon qu'on procède. Oui. Mais, dans le fond, nous autres, c'est normal qu'on aime ça. C'est nous autres qui le fait. La vraie question et le vrai truc, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez, ouais. Finalement. Est-ce que vous aimez ça comme ça? Est-ce que... Oui. Parce que, ben, nous autres, premièrement, parce qu'on a eu beaucoup, on a... parlait pas mal de ça. Mm-hmm. Parce qu'au début, ce qu'on voulait faire, on avait eu une idée, admettons, on fait jouer, on parle, tu sais, de la chanson, après ça, on a fait jouer. Mm-hmm. Ça, on parle, ça, on a fait jouer une, mais là, c'est que ça fait, c'est qu'il arrive, c'est que ça en fait beaucoup, parce qu'on en a 20 à faire, puis c'est vraiment plus de travail. Fait que là, on s'est dit, ben, gars, on va prendre un bloc, ben, deux blocs, en fait, de 10 chansons chacun, puis on va discuter de toutes les tunes, on va les lister comme on a fait tantôt. Puis, gars, après ça, ça on envoie les tunes, ouais. Ça donne ça. Donc, c'est ça. Puis, je trouve que c'est génial. C'est parfait comme ça. Puis moi, personnellement, j'aime fonctionner de même. Si, exemple, ça, justement, il y a des ajustements qui vont se faire, ça va être à vous de nous le dire. Mais je pense que comme ça, on est vraiment dans le... N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, là. Oh oui, on est très ouvert. De toute façon, c'est notre premier épisode. Le show commence. C'est sûr qu'on va de l'ajustement. Ah ouais. C'est sûr qu'on a, t'sais, il y a des erreurs qu'on fait. Moi, je vais essayer d'amener le côté informatif un peu plus, essayer d'éviter de répéter le mot ambiantique un million de fois. comme je viens de le dire. Non, mais il est super beau ce mot-là, mais je vais essayer de verbaliser différemment. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, merci Dom d'avoir été là avec moi, vraiment. J'ai vraiment du fun de faire ça avec toi. Moi aussi. Puis si vous avez autant de fun à l'écouter que nous autres, on a à le faire, ben, tant mieux. Et là, quand est-ce qu'il va sortir l'épisode, je sais pas, là, sûrement que vous allez l'écouter, puis tu sais, il va déjà être sorti, mais quand est-ce qu'on va le refaire, hein, ça va dépendre vraiment de ben des choses. C'est sûr que moi, je suis quand même assez occupé, c'est pas pire, peut-être que là, ce que vous allez l'écouter, c'est sûrement pas le cas, mais on arrive avec la fête du travail, on est dans le mois de septembre en ce moment, et pour moi, bon, c'est idéal, j'ai pas beaucoup de travaux dans l'université, puis ça va bien, je suis pas trop occupé. Mais c'est sûr que plus ça va aller, plus ça va l'être. C'est sûr que toi, Dom, t'as quand même assez une bonne liberté. Mais ce qui est le fun avec Geekorama, c'est que ça prend pas une semaine à planifier. Ben fun de jouer jeu, ça requiert que je joue à un jeu. Donc le jeu peut durer entre 7 et 10 heures. Geekorama, c'est comme tu après-midi, tu me dis, ouais, on peut peut-être enregistrer à soi. Je dis, ah, ok. c'est un même. Je dis, ok, on va pourquoi pas. Fait que là, je suis monté ici, puis on a enregistré. C'est tout. Fait que c'est vraiment pas long. Il suffit juste d'avoir. Nous autres, on a un gros registre aussi de musique. Fait que c'est ça. Oui, une dernière chose avant qu'on se quitte. Yes. Je remercie mes très chers auditeurs d'avoir été là encore une fois. Merci. Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez des requêtes, s'il y a des chansons que vous voulez qui se retrouvent dans le show, n'hésitez pas à nous le faire découvrir. Et puis en même temps, justement, si c'est des musiques qu'on n'a jamais entendues, ça nous fait encore plus plaisir parce que nous, on va le découvrir en même temps que vous autres. Fait que ça va être encore plus trippant. Et je pense que... J'aimerais faire une petite parenthèse. J'aimerais ça remercier Joël aussi pour m'avoir posté le teaser. Mais merci, Joe. Vraiment fin avec la belle petite description. C'est ça. Mon teaser de 25 minutes. Ton teaser de 25 minutes. J'ai vraiment aimé ça, sincèrement. Ah oui, c'est bon. Yes. Fait que ça, c'est vraiment un épisode complet comme ça. Sur ça, je vous remercie beaucoup. Écoutez, fait que là, on vous laisse sur la chanson de Wild Arms, Into the Wilderness. Into the Wilderness, ça rock ton cowboy. Allez.